problème. Sors le katana du fourreau. Ardomel la prod, mon ré, je fais le boulot. 75 kilos sur la balance, j'arrive comme avalanche, j'arrive comme sumo. Hey, SHAO, je te l'appelle. 5 triple Z, je te le répète. J'arrive casque roof sur la bécane, ça fait à papa et on repart à l'équerre. Hey, à volonté comme au buffet, noichi, je vais débiter et éclater. La cible, une sorte de mutant qui va cracher. La suite, pas de calcul mathématique. Hey, t'es mal à la tactique. Je n'ai technique comme du Brésil. J'ai des valeurs et des principes. Et je coupe les problèmes à la racine. Bah ouais. C'est facile, genre de la salle du temps. Ça dépasse tout ce que tu imagines. Je suis dans la matrice pendant que tu brasses du vent. Avec Ardo, je fais la magie. Hey. Avec Ardo, je fais la magie. Hey. Avec Ardo, je fais la magie. Hey. Oui. Yeah, yeah. Yeah. Sinza. Sinza. C'est pas la première place, mais quelle imposture, ça y est, je me prends au jeu, je me vois déjà en grand sur un poster. Rien non plus, j'écoute plus rien, skill des blatter. Dans ce game, tout est corrompu, un peu comme c'est blatter. T'es comme ça. Attends. Hey, hey, hey. Hey, hey. Attends. Nous attendons. Sinza. Loading. Sinza. Sinza. Oh. Ciao. On arrive pour les mettre en mauvaise posture. Le rap descend du ciel quand j'arrive, gros comme il faut se taire. Il part la première place, putain, mais quelle imposture. Ça y est, je me prends en jeu, je me vois déjà en grand sur un poster. Rêve rompu, j'écoute plus rien, skill des blatter. Dans ce game, y'a que des corrompus. Un peu comme c'est blatter, un peu comme c'est blatter. Tout est faussé, sa mère. Marque prisée sur le dos, ils n'ont même pas de salaire. Hey, le rap, une arme, sort le fer. Taper là où ça fait mal sur une prod, bien sûr, je sais le faire. Encore loin du but, mais je reste fier. J'écris sur mon laptop sans la suite au fiche, mais j'excelle. J'excelle. Hey. Ouh, ah. Ah, yes. T'as pas la suite? Ah, non. Il est minuit. Il est minuit. Je propose que Jounès, que tu clores cette émission, tu vois. Ouais, mais en impro. En impro. Tu sais, je pourrais. Tu clores ça en impro, tu vois. Ok, vas-y. Ah, sur la même prod. Ah, je suis calé à voir. Sur ce que tu veux, gros. Sur ce que tu veux. Okay. Ou à Capella, tu veux faire ça à Capella? Non, t'inquiète. Kick le beat. Je kick le beat, tout beat. Yeah. Aïe. Lourd. Jounès 2020. 2020, c'est ton année, Jounès. 2020, c'est ton année. Ouais, c'est ton année, frérot. Je fais que du flow, tu vois. Je fais que du flow. Si. Donc, c'était bien la 25e. Il est minuit 02. Temps additionnel. Je kick le beat, je kick le beat. Premier 16. Refrain. Pour ceux qui ont reconnu. Je kick le beat, Donc, Jounès, vous avez vu, au fur et à mesure de l'émission, on pensait qu'il était un peu plus neuronné et intelligent. Deuxième couplet. Skik le beat. Voilà. Donc minuit 3, le constat est toujours le même. C'est toujours difficile pour Jounès. En tout cas, on remercie tous ceux qui nous ont écoutés ce soir pour la reprise. Tous ceux qui ont kické le beat. Je vais finir par couper son micro. Mais voilà, merci à tous ceux qui ont kické le beat. Voilà, vous avez vu, j'ai coupé son micro. Donc merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, merci à tous ceux qui sont passés nous voir aussi dans les studios, on était beaucoup. Voilà, Jounès, il m'annonce des troisièmes couplets. La semaine prochaine, le 16 janvier, vous pouvez nous retrouver avec l'équipe des Puristes, donc 22h minuit, on sera là sans souci. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous envoie un jingle et puis je laisse l'antenne. J'ai coupé tous les micros, laisse-moi tranquille. Voilà, il continue, je kick le beat. Allez, ciao. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Radio Sud. Mi color a la mami, pégate. Que yo quiero sentir tu calor. Para el dolor eres mi panador. La flor que a mí va, mi color a la mami, pégate. Let's go. Oh, let's go. Oh, oh, oh. Taca, taca, taca, taca, taca. mucho de ti, pero quieren contigo. Tu brillo y tu falla es su castigo. Tiene mucho brillo abajo el ombligo. Lo viví y soy su testigo. Habla mucho de ti, pero quieren contigo. Tu brillo y tu falla es su castigo. Tiene mucho brillo abajo el ombligo. Lo viví y soy su testigo. Que a mí va mi color, dale mami, pégate. Que yo quiero sentir tu calor. Pa'l dolor eres mi panador. La flor que a mí va mi color, dale mami, pégate.